épineuse, des trottoirs défoncés. Même les terrains vagues sont barricadés et les monts mal se plotter dans les cages des escaliers. H-com, L-com, M-com, c'est ma banlieue. Banlieue, moderne, c'est nos banlieues, modernes, c'est vos banlieues.